chanson. C'est fou, 89 ans. Le plan d'aujourd'hui, assemblage requis. Olivier Lessard sera avec vous pour son segment musical Le Courant Passe. On apprendra des choses beaucoup trop longtemps pendant cet effet. Assemblage requis commence tout de suite. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Bonjour et bienvenue à Assemblage requis en ce lundi 23 février 2015. Je m'appelle Mathieu Plante, Stéphanie Paradis a encore une fois congé aujourd'hui, mais on lui souhaite un prompt rétablissement, comme pas mal tous les lundis finalement. Je pense que c'est le jour où elle a le plus de misère. Donc elle va être de retour demain. Aujourd'hui à l'émission, à 8h, on va faire du C'est un fait pendant un maudit bon bout de temps. Après ça, on verra, parce qu'il faut que je remplisse quand même une heure et demie avec ça. Donc on va voir ce qu'on va faire côté chronique. Sûrement quelques petites surprises parmi tout ça. On va débuter avec Olivier Lessard dans quelques instants avec sa chronique Le Courant Passe, où il parle de différents courants musicaux partout dans le monde. Hein? À date, on s'est aventuré dans l'Amérique du Nord, mais peut-être qu'on ira au-delà de ça à un moment donné. Et là, comme dit son intro, Olivier Lessard, va falloir l'écouter pour savoir de quoi je parle. Donc, Olivier Lessard à 7h30. Tout ça est plein d'autres affaires, c'est sûr. Mais on va débuter en musique avec une pièce du palmarès anglophone que je me dédie à moi-même. Parce qu'en m'en venant matin, il y avait littéralement de la neige jusqu'aux genoux, le gars. T'sais. Le gars de pied 2, genre, neige jusqu'aux genoux, Les pourtours de l'UQTR, donc allons-y avec un hommage à un homme qui glisse à cause de ses pieds. C'est Slippery Footed Man par Spoon River sur C'est Fou 89 FM. Bonne émission. We'll be right back. chaîne. Tu bagnes les blues. J'ai besoin de toi. Allume-moi entre tes reins. Sans lendemain. Je veux mettre le feu autour de nous deux. Tellement d'affaires qui rentrent là-dedans, c'est bien slack, tu sais, comme on dit. C'est... On parle évidemment d'adaptateur d'écouteurs. Bah, bah, bah. C'est toujours Assemblage Rocky, on vient d'entendre Harmony Rocket par Caravan. Et avant ça, c'est une pièce de Spoon River. C'était Slippery Footed Man au 89 FM. Ça nous amène à la chronique musicale Courant Passe. Et le courant passe. Bonjour Olivier. Bon matin. Ça va bien? Ça va très bien toi-même, Mathieu. Ben j'imagine, moi ça va très bien. Toi j'imagine que ça va bien parce que depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, Colin, t'as raflé tous les honneurs d'écouter en spectacle. Je veux pas te gêner, mais... Ben non, ben merci beaucoup. Merci de me le rappeler ce matin. C'est toujours le fun. Ben oui, beaucoup avec, de prix. Avec la montagne est blanche là, qui a ramassé tout. Tout ce qui était ramassable, tu peux pas avoir la position 1, la position 2, la position 3, ça se fait pas. Non, mais on a été ex-aequo dans deux catégories, mais quand même, c'est beaucoup d'honneur. Ouais, c'est cool. Ben, belle fun. Félicitations, la montagne est blanche, Olivier Lessard, génial. Merci. Donc là, t'as connu que le courant passe, c'est la troisième fois qu'on l'a fait, et là, on est allé dans différents territoires, on est allé en Oregon. Oui, première fois, c'était le rock de l'Oregon avec Elliott Smith, entre autres. Par la suite, on est allé en Abitibi-Témiscamingue parler de country folk. Ouais. Et là vient le moment tant attendu où... Tu ne l'as pas annoncé à l'avance, mais on l'attend déjà, ça. Ouais, c'est ça, où la chronique, finalement, aujourd'hui, n'a pas tant rapport avec le thème, mais... Mais comme on dit, comme Che dit, les grands révolutionnaires dévient de trajection. Ben oui, je suis tout en train de dire ça, c'est connu. Ouais. C'est rendu ma catchphrase. T'es en espagnol d'habitude. C'est ça, ouais. Je sais te Che tout le temps. Et bref, aujourd'hui, je parle pas vraiment de courants musicaux, mais vous allez voir, c'est une chronique spéciale aujourd'hui, parce qu'on aime ça, les spéciaux quand même. Ouais. Et c'est une chronique en ce début de mi-session. Cette dernière semaine, avant la semaine de relâche, ben, plusieurs d'entre vous vont avoir beaucoup trop d'études parce qu'ils n'ont pas assez étudié dans les dernières semaines. Et moi, j'ai un remède pour ça. Ça tombe bien un lundi matin comme ça. C'est un top 5 des meilleures chansons, en fait, des meilleurs albums pour étudier. Ah, c'est une bonne idée, ça. C'est une bonne idée. Pas mauvais, hein? J'aime ça. Ça m'a permis, en fait, hier, j'ai travaillé là-dessus toute la journée sur cette chronique-là en écoutant de la musique, en étudiant. Arrête donc, tu te donnes. Ah ouais, je me donne de même. Et donc, je vais. Comment ça va marcher, là? C'est que je vais vous faire passer. Je vais vous parler des chansons. Okay. Après ça, je vais mettre des extraits. OK. Ouais. Mais des extraits qui valent la peine d'être joués, ben oui. Pas trois secondes, encore là, je te parle de grands classiques. Oui, oui. C'est ça. Des classiques. premier classique, le top, le numéro 5, c'est un album de Beck qui s'appelle Sea Change. Okay. Qui est, selon moi, pas mal le meilleur album de Beck. Mais pour ceux qui connaissent un peu cet artiste-là, dans ses débuts, il était beaucoup plus rock. Là, on se souvient Mellow Gold, Odelay. C'est pas le genre de truc que t'écoutes nécessairement en étudiant. C'est le genre de truc que je mettrais en impro, par contre. Ah ben oui, pour mettre le public en forme. Mais Sea Change, c'est un autre mood. Sea Change, c'est beaucoup plus relax, beaucoup plus musique de film. D'ailleurs, Beck a fait de la musique de film aussi... notamment Eternal Sunshine, Spotless. Avec Eternal Jim Carrey, ça? Ouais. Okay. Hey, ça, c'était bon. Il faisait une chanson qui s'appelait Is Everybody Gonna Know Sometime? Everybody Gonna Gotta. C'est quoi le mot déjà? Je sais plus. En tout cas, okay. Tout ça pour dire qu'il a fait la musique de film et que cet album-là, il ressemble un peu. La musique de film, généralement, ça donne un mood pour étudier. L'album Sea Change, tout en douceur, moi, c'est celui-là que j'écoute en commençant mes études. Par exemple, hier matin, j'ai commencé avec ça. Il était 6h30, j'avais pas les yeux encore ben ouverts, je buvais mon troisième café. Et Sea Change, ben ça me permet de me mettre dans un mood d'être assez relax, de voir ce que j'ai à faire dans la journée avec une certaine perspective. C'est pour ça que j'écoute le matin. Ça me relaxe de temps, puis je me dis, crime, tu sais, j'ai toute la journée pour faire ce travail-là. Donc, ouais. Donc, c'est ça. Et la chanson qu'on va écouter, ça s'appelle Golden Age. C'est la première chanson de l'album. On écoute ça, au moins un extrait, un bon extrait. Ça. Back à Soulage Rocky, si le courant passe. Remarquez quand même que dans cette chanson-là et dans l'album, Beck chante, parce que Beck, c'est oui. un chanteur. Et moi, souvent, j'ai tendance à écouter de la musique qui est instrumentale pour étudier. Ça déconcentre moins, tu chantes pas les paroles par-dessus comme tu essaies de faire quasiment pendant que les micros se voient. Nécessairement, mais t'as sûrement remarqué que je ne les connaissais pas. C'est vrai. Et c'est ça qui est important, en fait, parce que si j'écoute de la musique francophone en étudiant, là, c'est sûr que ça marche pas, parce que rapidement, je suis un gars qui apprend des paroles par cœur, tu sais. Ouais. Mais je suis pas un grand bilingue, moi, dans la vie, tu sais. C'est moins pire avec la chanson en anglais. Mais c'est sûr que quand je connais trop bien les tunes, là, faut que je passe à autre chose parce que ça marche pas. Et je suis aveugle de plus être capable d'écouter ça en étudiant, là, parce que je commence à... Mais comme je te dis, c'est le matin, tu sais, c'est surtout le prétexte pour boire ton café puis continuer de gosser sur Facebook avant de commencer à faire tes devoirs pour de vrai. Le meilleur bout du samedi matin. Effectivement. Et sans plus tarder, j'y vais avec la quatrième position. Ouais, c'est à l'envers, c'est un décompte. Hein, moi, je suis mêlé, mêlé, raide. À l'envers, là, waouh. On défait les règles. On brise les règles. Vas-y, vas-y. On brise les règles. Oui, c'est Bonobo. Est-ce que tu connais Bonobo? Non, je connais pas Bonobo. Bonobo. Bonobo, c'est. En fait, c'est Simon Green, de son vrai nom. C'est un DJ anglais qui fait de la musique électronique trip-hop. Bien intéressante. L'album s'appelle Black Sands. Bonobo, c'est un gars qui est sur Ninja Tune, qui est une compagnie de disques. Il y a beaucoup d'autres artistes dans le même genre, je te dirais. Mais on les voit jamais vu que c'est des ninjas. C'est pas caché. Tous des ninjas, mais on les voit jamais parce que c'est le genre de musique, tu sais, que t'écoutes d'ambiance, mais. Non, je dirais pas que t'irais pas voir en show, parce que j'irais voir Bonobo en show. Okay. Mais c'est pas, sont pas très présents dans l'espace médiatique, mettons. Okay. Notamment, tu sais, Scalpel, qui est un autre groupe du genre Cinematic Orchestra, okay. Qui était avec Patrick Watson, notamment. Ah oui, ok, oui. Et Mr. Scuff, est-ce que tu connais Mr. Non Scuff? Non plus, hey, j'ai beaucoup de choses à apprendre, hein? Non. Non, mais ouais, je fais ça juste pour te piéger, mais ouais. C'est parce que je suis sûr que tu connais ça, Mr. Scuff. C'est quand tu t'as ton ordinateur, puis que t'installes Windows. Ouais. Ben, si tu vas dans la chanson, tu sais, dans ma musique, okay. Ben, il va y avoir un extrait sonore, c'est Mr. Scuff. Ah ouais, les gens vont là. Ouais. Okay. Mais moi, toute ma vie, je me disais, hey, Mr. Scuff, tu sais, ça doit être. Mais non, c'est. Cheesy, c'est très bon, Mr. Scuff. Ah ouais, waouh. Et donc, Black Sands, la pochette, là, c'est genre une vue de haut d'une espèce de forêt amazonienne. Puis moi, je me mets un peu dans un mood Lost, tu sais, Lost, l'émission. La série, ouais, ouais. J'ai l'impression d'être perdu sur une île déserte. Mais là, c'est pas comme dans Lost parce qu'il y a pas autant d'action. Il y a pas Evangeline Lilly ou d'autres belles actrices de même, comme dans Lost. Ouais, puis il y a pas genre. Il y a pas des extraterrestres partout comme il y a dans. Hey, spoiler alert, là, come on. Ok. Pas rendu là, moi, là. Hey, il me gâche là ce matin, les extraterrestres. Je suis pas rendu là. Et tu vas voir, Bonobo, c'est très suave. Tu sais, tu pourrais écouter ça dans un super romantique. Ok. Ou tu pourrais écouter ça pour un travail où t'as le goût d'être romantique, tu sais. Tu sais, travail, tu dis, il me semble, lui, je me le ferais poétique. bref. La chanson s'appelle Kiara. C'est tiré de Black Sands, qui n'est pas le dernier album, mais l'autre juste avant, qui, selon moi, est meilleur que le dernier. Bon, on écoute ça. Qui n'empêche rien au dernier. Non, c'est ça, absolument pas. Ça lui enlève rien. Mais... C'est le coup en passe. Ouais. Ah ouais. Pas pire pantoute. Ça, c'est le genre de truc là que vraiment tu pourrais écouter pendant comme 18 heures d'affilée, puis je pense pas que tu te tannerais. C'est vrai, et c'est des longues pièces chaque ou mettons. Ouais, quand même. Il y a des silences entre chaque pièce, des fois ça me déconcentre ça. Faut que les pièces soient longues. Pour non, il n'y a pas de silence, okay. C'est vraiment. On continue. Ils sont pas nécessairement longs, mais tout se suit. Ouais, c'est ça que je veux. Ouais. Cool. Bref, numéro 3, là, on change de mood complètement. Je sais qu'il y a des auditeurs à la maison qui vont peut-être se réveiller là-dessus et capoter, ou d'autres auditeurs qui vont capoter de joie parce qu'ils sont contents que j'en parle. C'est un band qui s'appelle The Between Buried and Me. Between, hein? The Buried. The Buried comme les gens enterrés, mettons, en dessous de ça. Oui. Ouais. Enemy comme et moi. Ouais. OK. Donc, tu devineras, c'est un groupe de métal. Ben oui. Et... Je suis pas si con que ça. Ben, c'est... Hein? Hein, tu sais? Si je sais pas de fait, hein? si la capote te fait, on parle de capote. Je capote. Hey, on est-tu rendu là matin? Je sais pas. Hey, on parle de capote. Ah oui, non. L'album de Between the Buried and Me, oui. S'appelle Colors. Et pour les fans de métal, c'est comme un must, là. C'est l'album que, maintenant, tu parles de métal avec un gars, genre, pis là, tu dis... « Hey, Colors, man, t'as-tu déjà écouté ça? » Puis là, tous les deux capotent, puis là, ils s'embrassent. Tu sais, c'est vraiment le genre d'album qui rassemble beaucoup de monde. C'est comme un jus de tomate, c'est un clamato-must, ça, là. Hein? Exactement. Mauvais gag, c'est le genre de mauvais gag que je fais, c'est comme ça que je le voyais. Je me disais, « Between, ça, c'est comme du clamato. » Vraiment? Vraiment. Donc, Between and Miami, début très, très def, de plus en plus très progressif. C'est quelque chose qui arrive souvent dans des bandes de métal qui parfois peut me gosser, tu sais, Opeth, mettons, qui au début était très, très def, et là, sonne Dream Theater, là, tout d'un coup. Mais on parle de death metal et non pas de death comme dans tes sauts quand tu l'écoutes, mettons. Ouais, ben on parle de death metal. Ok, ouais. Parfait. Ouais, ouais. Et l'album que moi je vais vous présenter, Color, c'est vraiment entre les deux. T'sais, c'est entre le bout qui sont dit on pourrait être un peu moins def, on pourrait être un peu plus progressif. Et ça rentre, ça bûche par moment. Mais l'album, t'sais, des fois il y a des tunes de 15 minutes, mais ça suit tout le temps, un peu comme Bonobo, mais vraiment pas comme Bonobo. Mais dans le sens où tu peux écouter ça en continu et tu te rends pas compte que les chansons filent. Moi, ce serait l'album que j'écouterais pour étudier, mettons. Mettons, il est 11h, je commence à paniquer un peu. T'es spécifique, là, t'es vraiment spécifique. Ok, à 11h, tu commences à paniquer, ouais, c'est bon, je te suis. Je panique pas nécessairement à 11h, mais tu sais, mettons que je paniquerais à 11h, j'ai un examen le lendemain, et là, je commence à me dire que je suis pas efficace. Ben là, j'écoute un peu de Between. J'en écoute une bonne heure, puis après ça, ça met de la mine dans le crayon. Je suis parti sur une go, là. Ok, on va essayer ça. C'est Son of Nothing. Wow, je m'attendais pas à ça. Enfin, c'est quasiment du même calibre que la pub du 3 Metal Fest juste pour nos autres, fait que ça peut arriver que ça joue à 7h30, soyez pas trop surpris. Il est presque 8h, faut se réveiller un moment donné, tu sais. Ouais, ben je vous avais quand même averti que certains capoteraient parce qu'ils savent pas ce qui se passe, mais je suis certain qu'il y en a d'autres qui ont capoté parce que crime comme ça. C'est un peu dommage parce que Between joue dans... Tu sais, c'est des super musiciens, puis des fois, ils tombent plus jazzy. Ils font toutes sortes d'affaires de style dans les mêmes chansons. Mais là, dans l'extrait, faudrait l'écouter trop longtemps pour qu'on pogne un bout de jazz. Tu veux que j'aille plus loin, mettons... Non, parce que je pourrais même pas te dire quand est-ce que... Ah, tu vois? Ouais. Je vais laisser ça à la place comme fond, ça va bien. Pas pire, ça? Ouais, c'est vrai, ça. C'est vrai que c'est différent, hein? Et là, on s'en va encore dans un autre monde. Là, j'y vais vraiment avec le classique des classiques que tout le monde se reconnaîtront. Oh, hey, moi, j'écoute ça quand j'étudie. C'est du Anderson. Okay. C'est Le fabuleux destin d'Amiel Poulain. C'est très bon. Ça, j'ai eu à choisir entre plusieurs bandes sonores de films que j'écoute fréquemment en étudiant. Fabuleux destin d'Amiel Poulain, ça me semblait être le plus récurrent. Oui. Celui qui se différencie aussi des autres bandes sonores, parce que, tu sais, à un moment donné, là, les BO de Danny Elfman, par exemple, ça revient souvent, c'est tout le temps la même affaire, mais là, c'est le fun, c'est très parisien. En fait, c'est pas à Paris, c'est à Montmartre, mais c'est très français, ouais, comme musique, des accordéons. Que dis-je de plus? C'est parfait. Ian Thurston a fait d'autres trucs après aussi. Il faut s'en rappeler. Des trucs des fois un petit peu plus expérimental, notamment le dernier album, Infinity. Mais ça, c'est beau, ça. On peut l'écouter. Trop sonore d'ami. Ah! Et là, c'est le contraire exact de ce qu'on avait entendu juste avant. Hein? Effectivement. Complètement. Effectivement. Et le grand numéro 1, t'as-tu tes effets de Case Clair de Mont de Tambour? C'est bof, hein? Ouais, c'était bof. Mais c'est pas grave, c'est Philip Glass. Et là, je trouve ça drôle de faire des... Parce que, tu sais, ça aurait pu être le contraire, je pense, aussi. Parce que, tu l'aurais mis au début de la liste tantôt? Non. Mais tu sais, lui, deuxième, puis okay. Fabuleux en mm-hmm. premier. Mais en même temps, Philip Glass, là, son album que j'ai choisi, c'est Solo Piano, qui retrouve des chansons d'autres albums, mais seul au piano. Et je l'ai choisi parce que ça embarque vraiment dans un mood... le genre de mood là qu'il pognerait le feu quelque part dans l'appart, genre, puis je m'en rendrais pas compte, je continuerais à écouter ça. C'est hypnotisant. Et en même temps, ben, c'est Philip Glass, pour ceux qui le connaissent pas, parce que c'est pas tant connu que ça. Okay. C'est un compositeur américain, grand pionnier de la musique minimaliste répétitif. C'est un gars qui s'inspire beaucoup d'Eric Satie, que j'aurais pu choisir aussi parmi ma playlist, qui a fait notamment le film bande sonore du film The Hours avec Nicole Kidman. Et des fois là, dans l'album, toutes les chansons c'est à peu près la même mélodie mais dans différentes tonalités. Ça se fait tout sur à peu près 15 notes, mais en même temps en tout cas, maintenant vous l'écouterez au complet, vous allez vraiment pogner un mood. Là peut-être que vous le pognerez pas parce qu'on va juste écouter un extrait, mais croyez-moi, faites-moi confiance. OK, ben, tu sais, c'est le numéro 1. On l'écoutera après. Mettons, une fois que tu seras parti. C'est dramatique quand même, par exemple. C'est le courant passe. Merci beaucoup. Ça, c'est fou. Chers auditeurs. Merci, Olivier. Ça fait plaisir. Bonne étude. À la semaine prochaine. Merci. C'était Philip Glass avec Mad Rush. Alors, on va faire un petit récapitulatif, oui, des cinq choix de musique pour étudier de la part d'Olivier Lessard. On a débuté en cinquième avec Beck. C'était la pièce The Golden Age. Ensuite, Bonobo et l'extrait Kiara. Between the Buried and Me avec Son of Nothing. Amélie avec J'y suis jamais allé. Et finalement, Philip Glass avec Mad Rush. Évidemment, ce sont les albums qu'il nous conseille, mais là, je vous dis les pièces parce que, Colin, j'ai pas le nom des albums. Alors, on retrouve Olivier Lessard les lundis à 7h30 pour la chronique Le Cours en passe. Et on peut aussi le suivre dans son groupe La Montagne est Blanche, et puis les lundis soirs à l'impro de la Luître, sauf ce soir. Il sera pas là, malheureusement. Donc voilà, Olivier Lessard et Le Cours en passe, on le remercie. Nous, on prend une pause au retour. Ce sera C'est un fait pour un bon petit bout à Assemblage Rocky. C'est un bon bout. Deux segments, c'est sûr. Minimum. On est ensemble jusqu'à 9h30. Excentricité. 89.1. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Assemblage Rocky, l'émission matinale en pièces détachées en ce lundi 23 février 2015. Je m'appelle Mathieu Plante. Stéphanie Paradis va être de retour demain à l'émission. Elle va nous faire sa chronique, sa plus simple expression qu'elle ne fera pas aujourd'hui. Elle va la faire plus tard cette semaine. Comme on a écouté beaucoup de musique tantôt avec Olivier Lessard, je pense que là, c'est le moment d'apprendre. Tu sais, lui, il s'en allait à un examen, t'sais. Donc on lui souhaite bonne chance, Olivier, ton examen. Nous, on va apprendre, on va étudier le plus possible pour connaître mieux la vie. Voici, c'est un fait. OK? C'est un fait. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait, c'est un fait. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait, c'est un fait. C'est un fait, c'est la chronique des choses véridiques, véritables et vérifiables selon Internet, toutes les sources sur assemblagerequis.com. Commençons avec les Grammy Awards. En acceptant le Grammy pour album de l'année en 1976, Paul Simon a remercié Stevie Wonder de ne pas avoir sorti d'album cette année-là, parce que Wonder avait gagné le prix en 74 et 75. Ensuite, donc, Paul Simon en 76 et Wonder l'a regagné encore une fois en 1977. Donc, Paul Simon était bien content. C'est grâce à Stevie Wonder qu'il a pu gagner. Selon une étude, 50% des utilisateurs de Netflix regardent une saison complète d'une émission de télé en dedans d'une seule semaine. Une semaine. Là, on parle évidemment de séries probablement câblées, là, les Mad Men, Game of Thrones et autres séries qui ont seulement une dizaine d'épisodes environ, en tout cas moins d'une quinzaine, alors que des séries sur les grands réseaux peuvent avoir des 20 et plus épisodes par semaine d'une heure. Disons que c'était un petit peu plus difficile à faire. Donc c'est une étude que Netflix a fait. Il y avait un pattern sur comment les gens regardaient leurs émissions. Donc des fois en une semaine. Cassidy Stay, qui a 15 ans, a cité Dumbledore, un personnage dans la série Harry Potter, et je cite ce qu'elle a dit. The happiness can be found even in the darkest of times. Donc le bonheur peut être trouvé dans les périodes même sombres, les plus sombres. Elle a dit ça lorsque ses parents sont décédés à leur funérailles. Donc ses parents et ses frères et sœurs ont été tués pendant une fusillade. J.K. Rowling lui a ensuite envoyé une main signée à la lettre de Dumbledore avec une baguette, une lettre d'acceptation pour Hogwarts, donc c'est Poudlard ça en français, et un livre signé autographié. C'est Cassidy Stay. Metallica est devenu le premier groupe de musique à jouer sur les 7 continents après avoir performé pour un groupe de scientifiques en Antarctique dans un spectacle nommé Freeze 'Em All. Metallica, tous les continents. Félicitations. Mark Hobb, professeur de l'université Kansas State University, fait une diète de dépanneur. C'était qu'il mangeait des Twinkies. Ça, c'est comme des genres de demi-lune. Mais c'est avec la crème dedans. Donc, des Twinkies, des Oreos et des Doritos pour montrer que compter les calories est ce qui importe le plus dans la perte de poids et non pas la valeur nutritive de la nourriture. Il a perdu 27 livres en seulement 2 mois sur sa diète de dépanneur. Ce professeur de nutrition humaine à l'université Kansas State qui a fait cette expérience-là, donc il a perdu 27 livres en 2 mois. Il se limitait à moins de 1800 calories par jour. Un homme de sa grosseur, de son poids pré-diète ou régime, consomme habituellement 2600 calories, donc il faisait la moitié. Il suivait un principe de base de la perte de poids, c'était de consommer beaucoup moins de calories qu'il brûlait. Et pour être certain de ce qu'il faisait, il rajoutait aussi dans son régime des multivitamines, des shakes de protéines et des légumes frais. Donc, quand même, quelques petits détails importants à savoir. Elvis Presley a déjà demandé à son chauffeur de limousine, je cite, « Est-ce que tu es propriétaire de cette limousine ou est-ce que tu travailles pour une compagnie? » La personne a répondu, « Je travaille pour une compagnie. » Elvis lui a dit, « Ben maintenant, t'en es propriétaire. » Et le pourboire du conducteur de la limousine, c'était la limousine en tant que telle. Il était célèbre, Elvis Presley, pour sa générosité. Il aimait donner des voitures. Il a grandi pauvre et c'était quelque chose qui savait que ce serait un cadeau spécial pour lui. Donc, voilà. Ensuite, il y a un Time Travel Mart à Los Angeles. Donc, Time Travel comme voyage dans le temps, qui vend des œufs de dinosaures frais, du lait de robot et du repousse barbare. Hein? Donc, les profits du magasin sont utilisés pour maintenir un programme de tuteurs pour les enfants de 6 à 18 ans. Les étudiants sont encouragés à écrire des histoires pour que le Time Travel Mart puisse les publier et ensuite les vendre. Leur slogan, c'est « Whenever you are, we're already then ». Donc, c'est comme un jeu de mots, là, mais peu importe quand vous êtes, nous y sommes déjà à cette époque-là, genre. Au lieu de peu importe où vous êtes, c'est peu importe quand vous êtes. Les Mythbusters, les stupéfiants, l'émission de télé, ont déjà tiré une boulette de canon dans une place où on se débarrassait des bombes. Bref, et puis ils ont manqué leur coup. À la place, ça a fait comme 600 verges de distance et s'est passé à travers une fenêtre de chambre à coucher alors qu'une famille dormait là. Et éventuellement, ça s'est arrêté, ce gros boulet-là, dans une minivan. Une expérience qui a mal tourné pour les stupéfiants. Une fille de 17 ans est tombée de 2000 en kilomètres, je vous traduis ça en deux secondes, 3,21 kilomètres. Donc une fille de 17 ans est tombée de cette distance-là d'un avion donc qui a été frappée par un éclair. Elle a réussi à marcher pendant 10 jours et ensuite elle a été trouvée par des bûcherons. C'est Julianne Kopke, la seule survivante du Lancer Flight 508, un vol d'avion 508 de Lancer. L'avion a été frappé par un éclair pendant une grosse tempête. C'est défait dans les airs, se désintégrant à 3,2 km ou 10 000 pieds. Donc, Kopke, qui avait 17 ans à l'époque, est tombée sur le sol, toujours attachée à son siège. Elle a survécu avec seulement quelques os brisés. Et donc, elle a trouvé des bonbons qui sont devenus sa seule nourriture. Elle a réussi à trouver un petit ruisseau pour boire. Et puis, c'est ça, finalement, elle s'est fait sauver par des bûcherons quelques jours plus tard. En 1864, George Boole, un mathématicien et est-ce qu'on dit logicien? Pas sûr de ça, moi, attends un peu. je vous cherche la définition. Deux secondes. Logician! On dirait un magicien du logiciel. C'est un logicien, c'est bien ça. Ça valait la peine de chercher. Hein. Donc, le chien mathématicien a marché pendant 2000 dans la pluie, avec les vêtements complètement mouillés. Il est tombé malade, il a développé un rhume sévère et une grande fièvre. Sa femme croyait que les remèdes devraient ressembler à leur cause. C'était ce qu'on pensait dans ces années-là, c'était en 1864, donc que les remèdes devraient ressembler à leur cause. Donc, elle lui a versé de l'eau dessus, tu sais, combattre le feu par le feu. Hein. Il est mort cette année-là à l'âge de 49 ans. Triste, hein? Triste. Charlie Chaplin a pensé à annuler son film Le Grand Dictateur, The Great Dictator, un film satirique, comédique et dramatique en même temps, parce qu'elle pensait qu'il se ferait bannir ou que les gens pourraient trouver... dans le fond, elle pensait que les gens ne trouveraient pas ça drôle de rire de Hitler. Bref. Quand il a entendu parler de ça, le président Franklin D. Roosevelt a envoyé à Chaplin un message lui demandant de vraiment faire le film. Ça a été un énorme succès, The Great Dictator, qui était le premier film hollywoodien à condamner Hitler et le faire avoir l'air d'un fou. Hitler a banni The Great Dictator en Allemagne et tous les pays, évidemment, gérés par les nazis. Par contre, plusieurs années après sa sortie, oui, Charlie Chaplin a dit... qu'il aurait annulé The Great Dictator s'il avait su toutes les horreurs que les camps de concentration faisaient à l'époque. Si je l'avais su, je n'aurais pas ri de cette chose-là. Donc, des nazis, c'est ce qu'il a dit plus tard. Peter Cullen, la voix de Optimus Prime dans les Transformers, est aussi la voix de I-Hor. Ça, c'est en français dans Winnie the Pooh, tu sais, le personnage là, qui s'appelle, là, évidemment. Bourriquet, voilà, Bourriquet. donc, il y a aussi la voix de Bourriquet en anglais dans Winnie the Pooh. Et c'était la première personne aussi à faire la voix de Mario dans la série des Super Mario au Nintendo. C'est, maintenant, c'est Charles Martinet qui fait cette voix-là. Cole a joué Mario dans la série de dessins animés Saturday Supercade en 1983. Eh bien, une belle moustache. Les éditeurs de manga japonais permettent aux fans de créer et de vendre leurs propres bandes dessinées basées sur leurs séries populaires, même si c'est pornographique. Les éditeurs croient que les bandes dessinées amateurs sont une forme de marketing et non pas une menace pour les ventes de leur travail. Donc, je suis tout à fait d'accord là-dessus. Je pense que la plupart des gens sont d'accord là-dessus. Les seuls qui sont pas d'accord, c'est eux-mêmes, les éditeurs de d'émissions de télé et de bandes dessinées qui voient ça comme un problème de copyright. Voilà. Donc, on appelle ça du doujinshi. D-O-U-J-I-N-S-H-I. De republier des bandes dessinées japonaises. Après être arrivé à Los Angeles à l'âge de 19 ans, Charlize Theron a essayé d'encaisser un chèque de sa mère pour payer pour son loyer, mais le caissier ou la caissière a refusé. Donc elle s'est mise à se chicaner avec, attirant l'attention d'un agent, d'un talent agent, donc un agent artistique qui était derrière elle, qui lui a présenté des agents de casting et l'a amenée à une école d'acteurs. Et puis elle est devenue ce que vous savez tous, donc c'est à l'âge de 16 ans, quand elle est allée à Milan, en Italie. Voilà. Après avoir gagné une compétition locale de top model. Ensuite, il y a un parc thématique avec plusieurs endroits dans le monde où les gens peuvent vivre une vie d'adulte, donc travailler, être caissé dans une banque, justement, ça s'appelle Kidzania. Donc c'est un parc thématique comme la Ronde ou l'Expo. Donc Kidzania, il y en a plusieurs dans le monde. C'est une réplique grandeur enfant d'une vraie ville. Les bâtisses, les restaurants, les cinémas, des véhicules, des piétons, tout ça bouge dans les rues. Les enfants de 4 à 12 ans travaillent à embouteiller du Coca-Cola. Travailler dans un bureau de dentiste présenté ou commandité par Crest. Travailler dans un restaurant McDonald's. Plein d'affaires de marketing. Là, clairement, c'est juste pour leur mettre le plus de logos de compagnie dans la face, clairement. Donc, ils utilisent des billets de ligne aérienne comme American Airlines, etc. etc. Les enfants méritent des kidzos. C'est la monnaie de Kidzania en performant leurs tâches. Donc, c'est vraiment comme un peu de l'esclavage, mais d'une autre façon. Et l'argent reste dans la banque Kidzania pour que les enfants puissent dépenser ça dans un magasin de cadeaux et sur des activités à Kidzania. Les enfants portent des bracelets électroniques qui permettent aux parents de savoir où ils sont. On mélange le marketing et le travail. C'est de l'advertainment. Donc, du divertissement publicitaire, si on veut. C'est n'importe quoi. Kidzania, K-I-D-Z-A-N-I-A. La ville de Huescar. C'est drôle parce que la ville de Huescar a oublié qu'ils étaient en guerre contre le Danemark. J'aurais aimé s'ils avaient oublié où ils étaient. Ça aurait été où est-ce que... Donc, ils ont oublié qu'ils étaient en guerre avec le Danemark jusqu'à ce qu'un, historien local trouve une déclaration de 170 ans avant. On n'a pas tiré de coup de fusil à ce moment-là quand on l'a appris. C'était juste... il y avait une guerre. Entre 1809 et 1981, Huescar était en guerre avec le Danemark. Résultat des guerres napoléoniques en Espagne... où le Danemark aidait l'Empire français. Quelque chose comme ça, je suis vraiment pas bon en histoire. Donc, la déclaration de guerre a été oubliée jusqu'à ce qu'elle soit découverte par un historien local en 1981, après avoir signé un traité de paix le 11 novembre 1981 par le maire de la ville et l'ambassadeur du Danemark. Pas un seul coup a été tiré pendant les 172 ans de la guerre et personne n'a été tué ou blessé. Une personne moyenne va marcher environ une distance de 3 fois le tour de la planète dans leur vie. Hein? Ben oui, il y a une formule mathématique que je pourrais bien essayer de vous lire, mais je la comprendrai pas plus que vous. SD fois D, barre oblique C, donc 7500 pas, 0,672 mètres, fois 71 ans, fois 365 jours, égale divisé par 40 075 000 mètres, égale 3,26 fois le tour de la Terre. Quelque chose de genre. Lorsque Marlon Brando étudiait pour devenir acteur à New York, un professeur lui a dit a dit à sa classe... Donc à lui et ses collègues de classe, d'agir, de jouer les poulets. Et il disait qu'une bombe nucléaire allait leur tomber dessus. La plupart des gens dans la classe ont commencé à faire des bruits de poulets, ont commencé à courir partout, mais Brando restait assis calmement et faisait semblant de couver un œuf. Donc il s'est fait demander ensuite par son professeur, pourquoi il avait choisi d'agir comme ça. Il a dit « Je suis un poulet. Pourquoi est-ce que je serais au courant que des bombes s'en viennent? » Hein? Hein? Brando qui est justement... critiqué positivement pour son réalisme quand il joue des rôles. Parce que Colin, c'est bien trop vrai. Pourquoi est-ce qu'un poulet se soucierait d'une bombe qui va tomber dessus? Rien, non? Comprends pas le français, là? Parlant d'acteur, Robert De Niro était tellement dédié à son métier que pour se préparer pour ses rôles, pour plusieurs rôles. Hein. En fait, il a pris 60 livres de poids pour Raging Bull. Il a vécu à Sicile en Italie pour le parrain deuxième partie. Il s'est sablé les dents pour Cape Fear. Il est devenu un chauffeur de taxi pour Taxi Driver. Il a appris à jouer du saxophone pour New York, New York. Donc ça, c'est Robert De Niro, un acteur dédié. Les chercheurs à Tokyo ont développé un miroir qui va modifier la réflexion, le reflet de la personne qui regarde le miroir en temps réel pour donner l'impression que tu souris. L'application projetée pour cette technologie-là est pour être utilisée dans des centres d'achat, dans les salles de bain de centres d'achat, en espérant que des magasineurs plus heureux vont acheter plus de choses. Donc on te donne un faux sourire. Hein? Don Ritchie, connaissez-vous Don Ritchie? Il a sauvé plus de 500 personnes du suicide en offrant aux gens qui étaient sur le bord d'un pont, sur le genre en train de se suicider, peut-être pas en train de se suicider, mais au moins sur le bord, en leur offrant une tasse de thé, une petite discussion. Hein? C'est beau, hein? L'officier de police à la retraite nommé Yukio Shige vit près des montagnes de Tojinbo au Japon et surveille les montagnes pour des gens qui pourraient sauter justement pour se suicider. Il a arrêté plus de 200 personnes, les a empêchés de se suicider et reste en contact avec chacun d'entre eux encore aujourd'hui. Donc les deux hommes qui empêchent des suicides à tous les jours. Il y a un manège qui fonctionne avec des pédales au Japon. Hein? C'est situé à Washuzan, c'est le Washuzan Highland Amusement Park, pardon, c'est situé à Okayama, au Japon. C'est le Sky Cycle, c'est donc un roller coaster, donc une montagne russe qui fonctionne à pédales, qui demande aux gens de pédaler d'un bout à l'autre à la place de juste relaxer et s'amuser. Ça a l'air super épeurant, mais ça a l'air quand même assez amusant en même temps. Allez voir les gifs animés, les photos sur assemblagerequis.com. Un épisode de la série Peppa Pig a été banni en Australie parce que ça enseignait aux enfants que les araignées n'étaient pas si épeurantes que ça. C'était considéré comme trop dangereux d'enseigner aux enfants australiens que les araignées ne sont pas épeurantes parce que Colin, il y a des araignées qui peuvent vous tuer en Australie. Donc peut-être que c'est en effet pas la meilleure place pour dire « Oh non, faites-en pas avec ça, c'est une bonne affaire, les araignées, ça mange des petites bébites. » Ouais, mais ça peut te tuer aussi. Donc Peppa Pig. Earl Sampson, un homme de la Floride, un homme noir, a été arrêté pour infraction ou ce qu'on appelle trespassing, donc c'est entrer sur un terrain qui n'est pas le tien, 62 fois, donc dans un dépanneur où il travaille. J'imagine que c'est une question de profilage racial, mais on l'a arrêté 62 fois pour être entré dans un dépanneur, alors que c'est lui qui est un employé de ce dépanneur-là. William Banning, le père d'un soldat qui a été tué pendant la guerre de Corée, a envoyé le Purple Heart de son fils. Le Purple Heart, c'est la médaille qu'on te donne pour tout ce que t'as accompli. Je pense que c'est quand t'as été blessé, un Purple Heart, mais bon, qu'est-ce que j'en sais. Donc, il a envoyé aussi une lettre fâchée à Harry Truman, le blâmant pour la mort de son fils. Les deux articles ont été trouvés dans le bureau de Truman après sa mort 20 ans plus tard. Donc, il avait gardé ces articles-là. Sûrement qu'il se sentait mal parce qu'on le blâmait pour la mort du fils de William Banning. Helsinki, en Finlande, un événement 4 fois par année nommé le Restaurant Day. L'occasion donc offre l'opportunité à n'importe qui de s'installer un petit restaurant, un café, un bar, juste pour une journée, sans avoir à appliquer pour un permis officiel, en autant qu'on ne serve pas d'alcool. C'est la seule chose à ne pas faire. Mais on peut s'ouvrir son propre commerce, le restaurant. Donc c'est les Restaurant Days. Les gens sont pas là pour faire de l'argent, ils sont là pour partager leur nourriture avec la communauté. Donc c'est une bonne façon d'essayer plein de nourriture ethnique. Sa popularité est déjà établie et on a essayé de faire d'autres Restaurant Days partout dans le monde. On fait ça dans plus de 40 pays maintenant, les Restaurant Days. Ensuite, une carte comme une map monde cachée à l'intérieur d'un paquet de cartes. Lors de la Deuxième Guerre mondiale, la United States Playing Card Company, compagnie de cartes, s'est assemblée avec l'American et British Intelligence Agencies, donc la CIA, entre autres, pour créer un paquet de cartes spécial qui a été créé pour aider les prisonniers alliés, les prisonniers de guerre, à s'échapper des camps de concentration allemands. Donc ces paquets de cartes-là, lorsque placés dans l'eau, pouvait être pelé, donc on pouvait enlever une couche et ça révélait une carte map monde cachée dans le paquet de cartes et on pouvait faire les placer d'un côté de l'autre pour faire la carte finale. La carte se défaisait en deux étages, un peu comme une gaufrette. Une jolie gaufrette. Le billet de 100$ canadien mettait en vedette une femme asiatique à l'arrière, une femme asiatique en train d'utiliser un microscope. Les gens se sont plaints que c'était un stéréotype de dire que les Asiatiques étaient bons dans le domaine de la technologie. Donc, elle a été remplacée par une femme blanche. Et ensuite, les gens se sont plaints que les personnes blanches étaient favorisées. Tu sais, hein? Jamais... On peut pas gagner! Impossible de gagner! C'est... En tout cas... Bref. Voilà pour cette partie de C'est un fait. Ça finit sur cette note. Alors, on va être de retour avec un autre bloc sur C'est un fait tout à l'heure. Mais avant ça, on se fait un petit compte à rebours! On est bon pour compter, je pense, les blancs. C'est ça, on est bon? Non, je pense pas. Voici Compte à la bord de Dumas. Sur C'est fou 89 FM. La radio campus de Trois-Rivières. Radio pour tous. Et partout. Aussi, comme toi et moi. Dumas et Compte à rebours. Moi, je salue ceux qui s'appellent Arbour comme nom de famille. Tu mettons, je sais pas, Jonathan Arbour. S'il se partait une chronique à Assemblage Requis, il faudrait absolument que ce soit ça son intro, puis qu'il s'appelle le Compte Arbour. Ça. Il me semble. Au retour, son foutu palmarès. Et une deuxième partie de cet fait à Assemblage Requis jusqu'à 9h30. Le Compte Arbour, comment? Fou d'exotisme. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage Requis. Vous écoutez Assemblage Requis, c'est lundi 23 février 2015. Je m'appelle Mathieu Plante. Stéphanie Paradis va être de retour demain. J'ai promis une deuxième partie de C'est un fait. Ça s'en vient, mais plus tard. Je me suis dit que j'allais couper ça en deux, couper la poire en deux, en vous offrant une petite liste dans son foutu palmarès. C'est la chronique dans laquelle on établit une liste sur un sujet plus ou moins précis. Hein? On parle des Oscars parce que c'était hier, puis oui, c'est super mainstream comme sujet, tout le monde en parle, mais j'ai envie d'essayer de vous parler de choses que vous n'avez pas encore entendu parler sur le plus grand événement, le plus grand événement de cinéma du monde. Donc, commençons avec les gagnants des premiers Academy Awards qui ont eu lieu le 16 mai 1929 et qui rendaient hommage aux films sortis de 1927 à 1928. Ils étaient annoncés 3 mois avant la cérémonie. Donc, il n'y avait pas de suspense. C'était pas comme aujourd'hui où tout le monde se demandait « Ah, est-ce que c'était le film? Est-ce que c'est celle-là qui va gagner? » Je sais pas. Au 4e Academy Awards, Norma Shearer s'est retrouvée l'annonceur pour la catégorie des meilleures actrices, catégorie dans laquelle elle était aussi nominée. Shearer a perdu contre Mary Dressler, la vedette de Mean and Bill. Donc la situation n'était pas trop malaisante là, si elle avait eu à annoncer son propre nom. Mais après ça, les acteurs et actrices n'étaient pas présentateurs pour les catégories dans lesquelles ils étaient nominés. Il me semble que c'est un peu évident, mais il a fallu le vivre pour comprendre que c'était pas une bonne idée, tu sais. le premier ex-aequo a eu lieu à la 5e cérémonie des Academy Awards lorsque Wallace Beery, pour le film The Champ et Frederick March pour Dr. Jekyll and Mr. Hyde ont tous les deux gagné pour meilleur acteur. Techniquement, Beery a perdu par un vote, mais selon les règles du moment, c'était un ex-aequo, c'est une égalité avec une distance d'un vote. Pour les 6 premières cérémonies, l'Académie célébrait les films qui étaient sortis depuis les 2 dernières années. À partir de la 7e remise des Academy Awards en 1935, les sélections nominées et la cérémonie concordaient avec l'année de calendrier. Les Academy Awards de 1938 ont été remis à plus tard à cause de la pluie et donc d'une inondation. La cérémonie a été remise à une semaine plus tard et presque personne n'a pu se rendre. Même l'animateur choisi, George Jessel, n'y était pas, il était malade. Un humoriste nommé Bob Bazooka Burns a animé à sa place. Ça, c'est quelque chose. Jusqu'en 1940, les noms des gagnants des Oscars étaient donnés à la presse avant la cérémonie, avec la compréhension, c'était compris que la presse allait garder les noms pour eux jusqu'à 23h, mais cette année-là, le Los Angeles Times a brisé l'embargo, a publié les noms à temps pour leur édition de soir, qui arrive juste avant que la cérémonie commence, donc l'édition de soir du journal. L'Académie a commencé à sceller les enveloppes contenant les noms des gagnants l'année suivante, donc en 1941. Ça, c'est vraiment intéressant, je trouve. En 1941, FDR, Franklin Delano Roosevelt, est devenu le premier président à donner une adresse à la cérémonie des Academy Awards, un discours. Il a parlé surtout de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, les États-Unis allaient entrer à la Deuxième Guerre mondiale en décembre de cette année-là. Il disait, je cite, « Je ne veux pas minimiser l'importance de l'industrie du cinéma comme médium populaire de divertissement massif, mais ce soir, j'aimerais placer l'accent sur le service que vous pouvez rendre en faisant la promotion de la solidarité parmi tous les peuples des États-Unis. » Tout le peuple des États-Unis, voilà. Donc, pour tout ça et pour votre coopération splendide et blablabla. Je suis fier de vous remercier, voilà. Vous pouvez écouter son adresse sur assemblagerequis.com. Greer Garson a donné le plus long discours lorsqu'il a accepté son prix à la 15e édition des Academy Awards de presque 6 minutes. Ensuite, à cause de la guerre, les gagnants de la cérémonie de 1943 ont ramené à la maison des trophées remplis de plâtre. Ils ont été remplacés par des modèles avec du métal en 1946. Donc, en 1943, on leur a donné du plâtre avec... La promesse de leur donner la vraie version en 1946. Bon, en tout cas, plus tard. Aux Academy Awards de 1944, les gagnants de la catégorie de soutien ramenaient à la maison une statuette complète pour la première fois parce qu'avant, on leur donnait une petite version, une version minuscule, plaquée à la place de la vraie version. C'est un peu plate, ça. Acteur de soutien, t'es pas moins bon. Le premier film étranger à avoir gagné meilleur film de l'année était Hamlet en 1949. Les Oscars ont été montrés à la télé pour la première fois le 19 mars 1953, c'était sur NBC. En 1969, les règles de l'Académie disaient que les membres ne pouvaient pas placer un vote aux Oscars jusqu'à 2 ans après avoir sorti leur premier film. Le président de l'Académie, Gregory Peck, a brisé cette règle pour Barbara Streisand, qui avait fait son début à l'écran dans Funny Girl en 1968 et a eu le droit de voter au 41e Annual Academy Awards avant même d'avoir été... dans un film. Elle a été nominée pour meilleure actrice pour Funny Girl et présumant qu'elle allait voter pour elle-même, elle a créé on a créé le premier ex aequo exact, donc avec un chiffre exact dans l'histoire de l'Académie. Streisand et Katharine Hepburn pour The Lion in Winter ont reçu 3030 votes chaque, exactement 3030 votes chaque. À la cérémonie du 14 avril 1969, Streisand s'est presque enfargé en montant au podium pour accepter, alors que Hepburn ne s'est pas présenté du tout au gala. En 1977, l'Italienne Lina Wertmüller était la première femme réalisatrice à avoir été nominée pour meilleure réalisatrice, meilleur réalisateur en général, pour son film Seven Beauties. La première femme américaine à avoir été nominée était Sofia Coppola pour Lost in Translation en 2003. Une femme ne gagnerait pas ce trophée. Allô? Une femme n'allait pas gagner ce trophée avant Catherine Bigelow, qui a gagné pour The Hurt Locker, le Lady Mineur, en 2010. Aucun acteur a été nominé pour plus d'Academy Awards que Meryl Streep. L'actrice, cette année, elle a gagné pour meilleure actrice de soutien pour avoir joué la sorcière dans Into the Woods. C'est sa 19e fois jusqu'à maintenant. Elle en a gagné 3. L'actrice a été nominée en 1979 pour The Deer Hunter. Elle a gagné son premier Oscar l'année suivante pour meilleure actrice de soutien dans Kramer vs. Kramer. Elle a apparemment laissé l'Oscar dans la salle de bain après avoir gagné, dit-on. La personne la plus nominée sans avoir gagné, c'est le mixeur, donc le gars qui s'occupe du son, Kevin O'Connell, qui a été nominé 20 fois, qui n'a pas encore gagné. finalement, Kate Blanchett est la personne était la première personne à gagner un Oscar pour avoir joué une gagnante d'Oscar. Elle a joué Catherine Hepburn en 2004 dans The Aviator. C'est la première fois qu'on donnait un prix à quelqu'un pour avoir joué le rôle de quelqu'un qui avait gagné un Oscar dans la vraie vie. On se comprend-tu? On reste dans les Oscars. On a fini notre liste de faits sur les Oscars, un genre de c'est un fait sur un seul sujet. Mais maintenant, on se demande comment est-ce qu'un film peut se qualifier pour un Oscar pour meilleur film. Hein, c'est assez de sortir un film dans l'année de calendrier qui précède. Je pense que ça, c'est assez connu, on l'a dit tantôt. Mais pour se qualifier pour le meilleur film, il faut aussi rencontrer plusieurs règles, suivre plusieurs règles de l'Academy of Motion Pictures Arts and Sciences. C'est des demandes, c'est officiel. C'est par rapport à la distribution du film. Donc allons-y, un film doit être de la longueur d'un film. Donc la durée minimale pour un film, c'est de 40 minutes. Le plus court film à avoir gagné l'Oscar pour meilleur film est le film Marquee qui durait 90 minutes, 1h30, c'est quand même possible, mais c'est le film le plus court. Un film doit être distribué à Los Angeles pendant au moins une semaine. Donc un film peut sortir partout au pays, mais s'il ne passe pas au moins 7 jours consécutifs dans un cinéma commercial de Los Angeles County, ça ne fonctionnera pas. Hein? Ça, c'est des vraies règles. Et cette semaine doit atterrir dans le calendrier avant la cérémonie respective des Oscars. Donc un film est seulement éligible pour la compétition des Academy Awards immédiatement suivant l'année de calendrier dans laquelle sa distribution à Los Angeles se passe. On peut dire la même chose, cette diffusion-là peut commencer n'importe quand entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année. Un film ne doit pas diffuser dans un format non theatrical qu'on dit avant de sortir à LA. D'accord? Donc ça a causé quand même des problèmes pour l'éligibilité des films sortis en 2014, particulièrement The Babadook. Un film ne peut pas sortir à la télévision, sur DVD, sur vidéo sur demande ou encore sur télé payante, donc pay-per-view, ou via une sortie légale sur Internet avant de sortir dans un cinéma dans le comté de Los Angeles qualifié pendant l'année précédant la remise des prix. C'est-tu clair? Je pense que oui. Mais un film peut sortir dans d'autres cinémas avant de sortir à LA. Là, on parle seulement de cinéma et en fait, c'est même assez lousse. Un film peut sortir n'importe quand dans l'année de calendrier précédant l'année de calendrier en considération pour une compétition des Academy Awards. En tant que la place est un théâtre, un cinéma commercial et non pas une autre forme de diffusion, c'est permis. Bref. Hey, celui-là, je suis pas sûr de saisir. Les films étrangers ont plus de flexibilité, par contre, en plus de tout ce qui est... de tout ce qui est nécessaire par rapport à la durée et ce qui est permis aux films domestiques, comme on l'a décrit précédemment. Les films qui sortent à l'extérieur des États-Unis en premier peuvent sortir sur à la télé, sur vidéo sur demande, sur DVD, sur pay-per-view, en autant qu'il n'y ait pas eu de ces sorties-là aux États-Unis. Voilà. Les sorties dans les festivals sont aussi correctes. L'inclusion d'un film dans une lignée de films de festival de films, ça change absolument rien pour les Est-ce que je peux arrêter? L'éligibilité! Voilà. Trop difficile. Des Academy Awards, lorsqu'on parle donc du film, du meilleur film. Là, c'est seulement la catégorie meilleur film. C'est ça. J'essaie de comprendre celui-là. Je le trouve un petit peu compliqué. Ça va être important par rapport à la... Non, je... C'est ça. C'est correct de sortir dans un cinéma. Ensuite, les sous-titres en anglais doivent être inclus dans les films en langage étranger. C'est quand même assez complexe comme chose à faire, mais seulement 9 films de langue étrangère ont été nominés pour meilleur film. Grand Illusion, un film français, Z, un film français, The Immigrants, un film suédois, Cries and Whispers, suédois, Il Postino, italien, Life is Beautiful, italien, Crouching Tiger, Hidden Dragon, mandarin, Letters from Iwo Jima, japonais, et Amour, en français. Il n'y en a pas un seul qui a gagné. Mais malgré tout, il faut que ce soit sous-titré en anglais. Par rapport au format visuel et audio, un film doit suivre plusieurs règles techniques pour se soumettre aux Academy Awards. Les images doivent être projetées sur un film 35 mm ou 70 mm ou via format numérique en 24 ou 48 images secondes avec une résolution minimale sur projecteur de 2048 par 1080 pixels. Les images doivent se conformer au standard ST-428 trait d'union 1.2.2006 D Cinema Distribution Master, ce qu'on appelle le DCDM. Donc c'est un format de distribution standard pour les cinémas. Si les images comprimées ou compressées sont utilisées, elles doivent se conformer au format JPEG 2000 ISO IEC 15444-1. La diffusion audio en stéréo doit être configurée avec 3 canaux de son, gauche, droite et centre. Les données doivent aussi rencontrer les lignes directrices de la transmission audio pour les standards de l'industrie ST-428-2-2006D Cinema Distribution Master for Audio Characteristics. Voilà. Ensuite, les parties nominées doivent être créditées comme producteurs. C'est une règle spécifique, mais le nom de la personne qui doit être nominée doit être accompagné par un crédit de producteur ou encore produit par affiché à l'écran pendant le film. Les crédits comme executive producer, ça c'est producteur exécutif, ou producteur associé, line producer et d'autres ne compteront pas pour le meilleur film. Seulement 3 producteurs sur un film seront nominés pour un Oscar de meilleur film. S'il y a plus de 3 producteurs crédités sur le film, les 3 avec la contribution la plus significative à la production du film seront nommés comme éligibles. L'Académie décide qui va avoir cette distinction. C'est eux qui décident les 3 personnes qui ont le plus collaboré au film. Mais ils vont faire des exceptions pour certains partenariats de producteurs. Deux producteurs peuvent soumettre pour une nomination en tant que nominé en pair s'ils partagent déjà un partenariat professionnel établi qui est actif depuis au moins 5 ans ou plus, donc ben, au moins 5 ans ou plus, je pense que c'est clair, et qui ont été partenaires sur une production, sur la production de deux films ou plus dans le passé. Donc quand ils sont vraiment rendus associés ensemble, on peut les accepter. C'est cool, hein? C'est cool de savoir ça. J'ai appris plein d'affaires sur les Oscars et pas mal plus d'affaires qu'en regardant le gala en tant que tel. Voilà, on va continuer avec encore quelques trucs sur les Oscars dans quelques instants, mais avant ça, comme les nominés ou les personnes nommées vont dire s'ils ne gagnent pas, hein, ils vont dire un peu comme huis clos, pourquoi pas moi, au 89 FM, c'est fou. Études, tout le monde prend soin de ses dents, tout le monde a tout compris, tout le monde a des gros seins, tout le monde a plein d'amis, personne n'a peur de rien. Pourquoi pas moi? Je te jure, bébé, j'y arriverai un jour, je vais vivre le pied au plancher. Allez, come on, Alex, déchire! Pourquoi pas moi? Assemblage Rookie, on était dans son foutu palmarès. Retournons-y avec une liste des gens qui ont accepté leur Razzie Awards. Vous savez, chaque année, l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences rend hommage aux meilleurs films et tout ce qui se rattache au cinéma. Mais le soir juste avant l'Académie, avant que l'Académie nomme ses gagnants, il y a une autre cérémonie qui a lieu. C'est les Golden Raspberry Awards. D'ailleurs, avant-hier soir, c'est Kirk Cameron et son film Saving Christmas qui a pris presque tous les honneurs. Donc évidemment, les gens seraient sûrement pas heureux de se faire dire qu'ils sont les pires à quelque chose, mais il y a des gens, des acteurs, des écrivains, des réalisateurs qui ont un sens de l'humour et qui se sont présentés pour accepter leur prix. Donc commençons avec Halle Berry pour Catwoman. a accepté le Golden Raspberry Award pour pire actrice pour son ce qu'elle a fait dans Catwoman au Ivor Theater de Hollywood en Californie. En donnant son Oscar pendant la 25e cérémonie des Golden Raspberry Awards, Berry avait un Razzie Award dans une main et un Academy Award pour meilleure actrice féminine dans un rôle rôle principal, voilà, pour sa performance dans le film Monsters Ball dans l'autre main. Berry a remercié le réalisateur du film et son gérant dans une parodie de son discours d'acceptation d'un Oscar qu'elle avait fait quelques années auparavant. Ensuite, J. David Shapiro pour Battlefield Earth, Saga of the Year 3000. Ça, c'était en 2001. L'écrivain J. David Shapiro a reçu le Golden Raspberry pour pire scénario pour son film de science-fiction Battlefield Earth, Saga of the Year 3000. Wilson a livré, si on veut, le Razzie à l'émission de radio de Mark Ebner à Los Angeles. Shapiro était très heureux de recevoir son Razzie. Plus tard, il s'est souvenu, oui, que la vedette du film, John Travolta, avait fait des commentaires après avoir lu le script du film. Apparemment, Travolta avait dit que Battlefield Earth était le Schindler's List de la science-fiction. Hein, un peu prétentieux, ça. 10 ans plus tard, pendant la 30e cérémonie en 2010, J. David Shapiro a aussi accepté le Razzie Award pour pire film de la décennie pour Battlefield Earth. Je savais même pas qu'il y avait un sous-titre, ce film. C'est Terre, champ de bataille, genre, en français. Alors, c'était Paul Verhoeven pour Showgirls. Le réalisateur Paul Verhoeven est surtout connu pour ses films, disons, un petit peu bas de gamme, pas trop de classe, mais quand même songés, genre Robocop, Total Recall, Basic Instinct. Plusieurs de ses films sont acclamés par la critique, mais son film de 1995, Showgirls, ne l'a pas été du tout. À la surprise de personne, Showgirls a reçu 6 Golden Raspberry Awards, dont pire actrice pour Elizabeth Berkley, pire scénario pour l'écrivain Joe Esterhaas, et pire film et pire réalisateur pour Paul Verhoeven, qui était la première personne de l'histoire des Razzie à se présenter à la cérémonie pour accepter son prix. Je cite, j'ai reçu 7 prix pour avoir été le pire, et c'était plus de plaisir, plus amusant pour moi que de lire les critiques de Showgirls en septembre. C'est ce qu'a dit ce réalisateur né en Hollande. Ensuite, Brian Helgeland pour The Postman. L'écrivain Brian Helgeland a reçu le prix pour pire scénario, le Golden Raspberry, en 1998 pour The Postman, réalisé par et mettant en vedette Kevin Costner. Helgeland a reçu le Razzie dans le bureau de John Wilson sur le terrain de Warner Brothers à Los Angeles et s'est même préparé un discours pour l'occasion. Prenant sa part de responsabilité pour avoir fait un des pires films de l'année. Quelques jours plus tard, Helgeland a reçu l'Oscar, l'Academy Award pour Best Adapted Screenplay pour LA Confidential. Présentement, il garde son Razzie et son Oscar ensemble côte à côte. C'est une façon de se souvenir de la drôle de nature d'Hollywood, de donner le pire et le meilleur à la même personne. Ensuite, Tom Green pour Freddy Got Fingered. Pendant la 22e des Golden Raspberry Awards en 2002, Tom Green a reçu 5 Razzie Awards, dont pire acteur, pire réalisateur, pire film, pire couple à l'écran avec les animaux que Green abusait dans le film, ouais. Et pire scénario pour le film Freddy Got Fingered. Tom Green s'est présenté à la cérémonie au Abracadabra Theater de Magicopolis à Santa Monica, en Californie. Où il a été retiré de la scène pendant qu'il acceptait un de ses prix parce qu'il n'arrêtait pas de jouer de l'harmonica puis ça devenait gossant, donc on l'a arrêté et on l'a renvoyé. Ensuite, Tom Selleck pour Christopher Columbus The Discovery. C'était en 1993 que l'acteur Tom Selleck a reçu le Golden Raspberry Award pour pire acteur de soutien pour sa performance dans le rôle de King Ferdinand de l'Espagne, King Ferdinand of Spain, dans le film Christopher Columbus The Discovery. Selleck a accepté son prix alors qu'il faisait une apparition spéciale en tant qu'invité de l'émission du talk show de très courte durée Chevy Chase Show sur Fox. C'est là qu'il a accepté son Razzie Award. Et maintenant, Tom Selleck est adoré comme un des meilleurs acteurs à la télé. Ensuite, Michael Ferris pour Catwoman. Halle Berry n'était pas la seule à avoir gagné un Razzie pour Catwoman. Michael Ferris, qui a écrit le script, a accepté le Razzie pour pire scénario de film. Pendant son discours, Ferris a remercié la Golden Raspberry Award Foundation pour avoir amélioré les ventes du DVD du film Catwoman. Faut voir le bon côté des choses. Ensuite, David Heigenberg pour Sex à New York 2. En 2011, l'acteur David Heigenberg a accepté le Golden Raspberry pour le pire couple à l'écran et le pire ensemble à l'écran de la part de toute la distribution de Sex in the City 2. Il a travaillé avec le fondateur des Razzie, John Wilson, pour créer une vidéo d'acceptation de prix qui a plus tard été postée sur la chaîne officielle YouTube de l'organisation. Ensuite, Bill Cosby pour Lynyrd Part 6. Oui, on parle de Bill Cosby, qui est présentement en grosse controverse, mais il a écrit, il a été la vedette d'un des pires films de 1988, Lynyrd Part 6, qui mettait en vedette Cosby, comme agent, dans le rôle d'un agent de la CIA, forcé à sortir de sa retraite pour chasser un méchant végétarien qui veut devenir maître du monde. Donc, Lynyrd Part 6 a reçu 3 Golden Raspberry Awards ou des Razzies pour pire film, pire scénario et pire acteur. Quand Cosby a su pour les honneurs qu'on lui donnait, il a contacté John J.B. Wilson, le fondateur des Razzies dont on parlait tantôt, et a demandé à ce que l'organisation lui donne un vrai trophée. N'étant pas très heureux de la statue à 1,97$ qu'il a reçue, 1,97$ qui est 2,48$ canadien, pour ceux qui veulent savoir, Cosby a dit à son agent, et je cite, « Je veux mon Golden Raspberry, et s'il n'est pas doré, je vais en parler à la presse. » Son agent a expliqué que Wilson était une compagnie avec un seul homme au sommet qui faisait ça dans son salon. Mais Cosby continuait. Il a dit « C'est un cop-out », donc il s'en sort trop facilement. « Si vous voulez prendre un grand nom comme moi et le déclarer comme le pire, il faut que tu ailles jusqu'au bout. » Le Late Show, l'émission sur Fox, un talk show, c'est pas le même Late Show que David Letterman, mais son ancien talk show sur Fox, qui a payé pour du marbre. Et donc un trophée en or, ça leur a coûté 30 000$. Ils ont fait une mini cérémonie de présentation, un mini Razzies à leur émission, le Late Show. C'était Joan Rivers qui animait le Late Show à cette époque. Ensuite, Sandra Bullock, en tout cas j'imagine que c'est encore à cette époque-là, il y a plusieurs personnes qui l'ont animé, mais bon, disons que je dis ça puis je suis même pas sûr. Sandra Bullock en 10e pour All About Steve. En 2010, Sandra Bullock a reçu le Golden Raspberry Award pour sa performance dans le film All About Steve. Bullock était quand même heureuse d'apparaître à la cérémonie et n'était pas heureuse de recevoir un prix pour pire actrice. Sandra Bullock a donné à tout le monde qui était présent au 30th Golden Raspberry Awards une copie DVD de All About Steve. Elle a aussi amené une copie du script final du film et a menacé gentiment le public avec une lecture du film au complet. Le jour après la cérémonie, Bullock a gagné l'Academy Award, l'Oscar, pour meilleure actrice dans un rôle principal pour sa performance dans The Blind Side. Et finalement, Ben Affleck pour Paycheck, Daredevil et Gigli. Ben Affleck a reçu un Golden Raspberry pour sa performance dans les films Paycheck, Daredevil et Gigli, qui sont tous arrivés au cinéma en 2004. Affleck ne s'est pas présenté à la cérémonie pour recevoir le prix. On lui a présenté le Golden Raspberry pendant son apparition sur Larry King Live, une émission sur CNN, où il a dit que le trophée était cheap, a commencé à le défaire en morceaux et à la fin a refusé le prix. Le Golden Raspberry Award Foundation a plus tard mis le prix en vente sur eBay. Il s'est vendu pour 1375 ou 1732$ canadien. L'argent de la vente a été utilisé en partie pour louer le Ivar Theater à Hollywood, Californie pour la 25e cérémonie des Golden Raspberry Awards l'année qui a suivi. Donc voilà, c'était une liste en fait de pas mal 11 acteurs, personnes en général, qui ont accepté leur Razzie Award. Ça et les deux listes précédentes sont une courtoisie de mentalfirst.com. Les liens sur assemblagerequis.com, bien sûr. Voilà pour son foutu palmarès. On fait ça quand ça nous adonne à Assemblage Requis. Ça va être le moment de prendre une dernière pause. On va se retrouver dans quelques instants avec une deuxième partie de C'est un fait à Assemblage Requis sur le 89 FM. Trois-Rivières, c'est le 89.1. Assemblage Requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Assemblage Requis, émission matinale en pièces détachées. On est lundi 23 février 2015. Je m'appelle Mathieu Plante. Stéphanie Paradis va être de retour demain. Dans quelques instants, on va continuer avec une deuxième partie de C'est un fait. Mais avant ça, étant donné que Stéphanie n'est pas là aujourd'hui, pourquoi tout le monde fait des liens à là aujourd'hui? On dirait que c'est commun, hein? Tout le monde fait ça, je comprends pas. Je vais lui jouer une pièce que je sais qu'elle aime pas. Fait que, pendant qu'elle n'est pas là, je vais en profiter. C'est Be Creative de Chris Burkett au 89 FM. Pour toi, aujourd'hui. Be creative in the things that you don't wanna even Par Chris Burkett à Assemblage Rocky. On retourne à cet effet qu'on a commencé plus tôt. La suite. Fils de cet effet. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait. C'est un fait. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait. C'est un fait. C'est un fait, c'est la chronique des choses véridiques, véritables et vérifiables. Oui, toujours selon Internet, les sources sur assemblagerocky.com. Commençons avec le boxeur Vladimir Klitschko. Hein, Vladimir Klitschko, bien sûr, qui a mis aux enchères sa médaille d'or olympique pour amasser de l'argent pour les enfants ukrainiens pauvres. Il l'a vendu pour $1 million. L'acheteur a immédiatement retourné la médaille à Vladimir parce qu'il voulait qu'elle reste dans la famille Klitschko. Donc le gars a fait son don, sa vente. Et puis, garder la médaille en plus. Ah. Ensuite, la police de l'Allemagne a localisé un homme qui a été recherché pour des factures, des contraventions non payées. Et on l'a confronté alors que sa slot machine sur laquelle il est en train de jouer est arrivée sur le jackpot. Donc, il a évité la prison en payant ses contraventions drette là avec l'argent de sa slot machine. Des fois, le hasard est de ton bord. Ça arrive. Ça arrive pas souvent. Puis tu peux pas le contrôler, mais ça arrive. Il y a un compte pour Big Ben sur Twitter qui tweet bong à chaque heure. Et le nombre de bong veut dire le nombre d'heures au Royaume-Uni. Hein? C'est Big Ben Clock, Big soulignement Ben soulignement Clock. Même que sûrement que t'as un petit peu. Je pense que je dois pouvoir y aller. Big Ben. Il y en a aussi un en passant pour le Corner Dome, la colonne Cathedral qui tweet dong aussi. Donc il y a plein de places qui tweetent dong. Donc twitter.com/big-ben-clock. Et on devrait se rendre. Et en ce moment, je veux savoir quelle heure qui est. J'ai aucune autre façon de savoir. Bang bang, il y a 15 minutes parce qu'il est 2 heures là-bas. Super, hein? Établi en novembre 2009, complètement non officiel. Les détails sur tinyurl.com/YLQBEY3. Super. Les chats sont les seuls animaux à s'être domestiqués eux-mêmes et qui des fois vont approcher des humains. Ça s'appelle l'auto-domestication, self-domestication. Donc, c'est le processus d'adaptation des animaux sauvages envers les humains, sans que les humains aient de contrôle là-dessus. Donc, allez voir plus d'informations. Il y en a pas mal beaucoup sur assemblagerequis.com. On parle de boxe maintenant. Muhammad Ali qui a déjà invité Billy Crystal à venir courir avec lui. Vous connaissez Billy Crystal, animateur entre autres des Oscars plusieurs fois, acteur très très connu. Donc il y a Muhammad Ali qui l'a invité à courir avec lui à un country club local. Crystal lui a dit « J'aimerais vraiment ça, mais les Juifs sont restreints, donc ne peuvent pas y aller. » Ali n'est jamais retourné à ce country club-là de sa vie. Ça vient du mémoire, donc du livre de Billy Crystal. Muhammad Ali qui lui a demandé qu'est-ce que ça veut dire la restriction par rapport aux Juifs. Ben, ça veut dire qu'ils permettent pas les Juifs. Donc lui a dit « Je suis musulman et il me laisse entrer. Je ne courrai plus jamais là-bas. » Et en fait, il n'est jamais retourné. Muhammad Ali. On peut payer une agence de voyage à Tokyo pour amener votre animal en peluche en vacances. Mais là, on parle vraiment de l'animal en peluche en vacances, sans vous. C'est juste une vacance de peluche. C'est Unagi Travel qui organise des voyages pour animaux en peluche partout au Japon, en Europe et aux États-Unis. L'agence de voyage fait faire des petits voyages comme ça, pas à vous, mais à votre jouet préféré. Donc c'est apparemment pour les fans du film Amélie Poulain. Mais j'ai pas vu le film, donc je peux pas comprendre la référence. Mais c'est super mignon, il t'envoie des photos après ça de tes toutous devant plein de places. C'est super cute. En 1975, l'Australie a vu son gouvernement s'éteindre. Le shutdown complet du gouvernement. Donc à la fin, tous les membres du Parlement ont été virés, renvoyés. On a refait une élection. On a redémarré ça de zéro. Et il n'y a pas eu d'autre shutdown depuis. C'était en 1975, le Australian Constitutional Crisis, qu'on appelle souvent The Dismissal, qui était décrit comme un des plus grands, des plus grandes crises constitutionnelles et politiques de l'histoire de l'Australie. Plus d'informations sur assemblagerequis.com, bien sûr. Lorsque Charles Darwin a découvert les tortues de l'île Galapagos, il a essayé de leur monter dessus pour se promener. Et il y a d'ailleurs une statue de cet acte de Charles Darwin sur une tortue Galapagos en photo sur assemblagerequis.com. Après avoir exploré l'Amérique du Sud, donc il s'est rendu aux îles Galapagos en septembre 1835, il était fasciné par les roches volcaniques et les grosses tortues. Plus tard, il a écrit qu'il avait approché des tortues qui se recroquevillaient dans leurs coquilles et le jeune scientifique leur montait dessus pour essayer de se promener sur ce gros reptile. Il se souvient que c'était difficile de garder l'équilibre dessus. Les chiens peuvent utiliser leur queue pour garder leur nez au chaud. En plus de communiquer leurs émotions, leurs sentiments, les chiens peuvent utiliser leur queue pour plusieurs besoins physiques. Par exemple, les queues des chiens les gardent en équilibre lorsqu'ils bougent. On peut aussi les utiliser pour lors de la nage, pour se donner plus d'élan. Les chiens peuvent aussi utiliser leur grosse queue pour garder leur nez au chaud quand ils font une sieste. L'inspiration pour le roman Fight Club est arrivée à Chuck Palahniuk après s'être battu en vacances, lors d'une vacance. Il est retourné au travail et aucun de ses collègues lui demandait ce qui lui était arrivé. Vous vous souvenez de la réplique connue, là, la première règle de Fight Club, c'est qu'on parle pas de Fight Club. Donc l'auteur Chuck Palahniuk a eu l'idée de son roman après s'être fait battre complètement lors d'un voyage de camping. Il est allé se plaindre à des campeurs près de lui. Il se plaignait du bruit de leur radio. C'était trop de bruit. Donc il s'est fait battre et quand il est revenu au travail, il était fasciné par le fait que personne mentionnait ou même faisait... Il faisait comme s'il n'y avait rien, aucune blessure. À la place de demander comment se passait la fin de semaine, qu'est-ce qui s'était arrivé, etc., etc. Donc Palahniuk pensait que la raison, c'est parce que... il disait que la raison que les gens réagissaient comme ça, c'est parce que s'il lui demandait ce qui s'était passé, un degré d'interaction personnelle serait nécessaire et ses collègues de travail ne se souciaient pas assez de sa personne pour connecter avec lui à un niveau plus personnel. C'était sa fascination avec le blocage mental que certaines personnes ont par rapport à leurs collègues de travail. Donc ça a été sacré, le roman Fight Club. Le tueur en série et le cannibale célèbre Richard Chase entrait seulement dans les maisons des gens lorsqu'elles étaient débarrées. Si les portes étaient barrées, lui croyait que c'était qu'il n'était pas bienvenu. Alors que si les portes étaient débarrées, c'était une invitation à entrer. C'est quelque chose, Richard Chase, Dicky Chase. La ville espagnole de Yuxar a été peinturée complètement en bleu pour la sortie du film The Smurfs, les Schtroumpfs de Sony Pictures. Et Colin, la ville est encore bleue aujourd'hui. Hein? Oui. Donc on a vraiment accepté ça dans ce village-là. De peinturer les bâtisses qui étaient historiquement blanches. On les a peints en bleu. C'est un projet pour transformer cette ville en village de Schtroumpfs en préparation de la sortie des Schtroumpfs 3D. Les citoyens ont voté pour laisser les bâtisses peinturées bleues. 80 000 touristes ont visité pendant les 6 mois suivants la peinture, donc le fait qu'on avait peinturé ces bâtisses-là. La ville qui recevait normalement 300 touristes par année, ils étaient rendus à 80 000, donc je peux comprendre que les gens voient ça comme une bonne chose d'avoir une ville peinturée en bleu s'ils peuvent faire de l'argent sur le tourisme. En 2007, un couple bosnien a appris qu'ils se trompaient l'un l'autre dans des chats en ligne avec l'un l'autre. On dirait un scénario boboche d'une sitcom. Il y a bien des sitcoms qui ont fait ça. Mais un couple en Bosnie s'est divorcé pour ça, évidemment. Sana Klarić et son mari Adnan qui ont découvert sur Internet. En fait, qui cherchaient sur Internet une relation romantique qu'ils allaient aimer plus que leur relation courante. Ils ont tous les deux trouvé quelqu'un qui pensait être beaucoup mieux que leur copine et copain présents. En fin du compte, c'était Sweetie et Prince of Joy qui étaient l'un et l'autre. Le couple a réalisé ça en se rencontrant dans la vraie vie. Et c'est ça. Bref. Ensuite, le poulet frit est un plat écossais. Saviez-vous ça? Le poulet frit qui a été amené dans le sud des États-Unis par des immigrants qui provenaient de l'Écosse. Une chance que l'Écosse existe, donc. Miam. En 1965, des graines ont été plantées, des graines qui dataient de 2000 ans. Elles ont été découvertes dans un pot en Israël. Et les graines qui étaient dans un pot depuis 40 ans, c'est ça? Elles datent d'il y a 2000 ans. Elles ont été gardées pendant 40 ans. Et après avoir été plantées, un arbre qui était en extinction depuis 1800 ans est né. Donc c'est une plante nommée Methuselah. En hommage au personnage de la Bible. Oui, voilà. Methuselah. Okay. Donc, c'est le plus vieil arbre du monde qui revient. Ensuite, de jeter des balles de golf traditionnelles en plastique dans la mer, c'est illégal parce que c'est une source de pollution et un danger potentiel pour les animaux marins. Un professeur de l'Université du Maine a utilisé des coquilles de homard mises en poudre, si on veut, et d'autres matériaux pour développer une balle de golf biodégradable. Ces balles-là qui sont faites pour être utilisées sur les bateaux de croisière et sur les terrains de golf qui sont situés près d'un océan. Donc ces balles-là qui ont été créées par un professeur de Chemical Engineering, David Nivant, et un étudiant, Alex Cadell, via le Lobster Institute de l'Université du Maine, oui, l'Institut du homard. Donc elles sont faites de coquilles de homard combinées avec des trucs biodégradables. Et une petite couche de quelque chose à l'extérieur, ça dit pas c'est quoi là, dans l'article. Donc ça vient quand même des homards qui finiraient sinon de toute façon dans les poubelles. Voilà. Et c'est pas trop cher non plus à produire. Ensuite, le mot anhedonia, A-N-H-E-D-O-N-I-A, anhedonia, c'est le mot pour le sentiment que tu ressens quand tu n'arrives pas à trouver de la joie dans les choses qui habituellement t'amèneraient de la joie. En psychologie et en psychiatrie, l'anhedonie. Donc, c'est l'inhabilité de vivre du plaisir dans les activités qui normalement seraient amusantes. Par exemple, l'exercice, les hobbies, la musique, l'activité sexuelle et des interactions physiques et sociales. Donc, une précédente définition de l'anhédonie mettait l'accent plus sur une expérience qui te provoque du plaisir. Mais plus récemment, on parle du besoin de comportement, comme la motivation, le désir de s'engager dans une activité. Donc, avoir envie de faire quelque chose, c'est de l'anhédonie motivationnelle comparé au niveau de plaisir qui est l'anhédonie de la consommation, consumatory anhedonia. Le Royaume-Uni utilise des écrans d'accidents. Ce qu'ils appellent des incident screens, donc incident plus qu'accident, pour bloquer la vue des accidents de trafic. Donc, quand il y a des accidents sur l'autoroute, par exemple, on va ériger des clôtures, si on veut, où on peut pas voir au travers, pour essayer d'empêcher les gens de s'arrêter autour, de commencer à regarder, tu sais, comment on attire des bibittes lors des accidents, tu sais. Donc, on essaie d'empêcher ça, que le trafic continue comme à la normale, avec ces incident screens. Excellente idée. Quatre États, le Vermont, l'Alaska, l'Hawaï et le Maine, ont des lois qui empêchent l'utilisation de publicité sur des panneaux extérieurs. Vermont, Alaska, Hawaï et Maine, si vous allez là, il n'y a pas de publicité sur des panneaux. Eh ben. Coke a été poursuivi pour avoir dit que leur produit était santé. Pour leur produit Vitamin Water, vous savez, les eaux vitaminées qu'on retrouve un petit peu partout, c'est fait par Coke. La défense de Coke était, je cite, « Aucun consommateur pourrait raisonnablement être amené à penser que Vitamin Water est un breuvage santé. » Ben, c'est drôle que le nom, c'est Vitamin Water, eau vitaminée, je vois pas comment tu pourrais ne pas penser que c'est bon pour toi. Il me semble que c'est assez, c'est dans le nom, tu sais, vitamine. Des vitamines, c'est bon pour toi, tu sais. Je sais pas, drôle de défense de la part de Coke. Personne ne pourrait penser ça, voyons donc. Franchement, niaise-moi dans... Ça, c'est selon le Huffington Post, c'est selon un livre. On nous dit que John Belushi, vous connaissez l'acteur John Belushi, qui jouait dans Saturday Night Live à l'époque, dans la première saison, les premières saisons. John Belushi qui sabotait, apparemment, selon les dires, tout ce qui était écrit par des femmes à l'époque où il jouait à SNL, parce que lui, il croyait que les femmes, fondamentalement, n'étaient pas drôles. Donc, il sabotait les sketchs. John Belushi, un petit peu misogyne, comme on pourrait dire, selon cet article que vous pouvez retrouver sur assemblagerequis.com, de bonnes sources quand même. Ensuite, Sony a un brevet. Ils veulent que les gens crient le nom des produits pour arrêter les publicités à la télé. Donc, tu pourrais crier le nom d'un produit et ça arrêterait les pubs. OK. Pourquoi pas? C'est un brevet. Ça veut pas dire que ça va donner quelque chose. En fait, la plupart des brevets donnent rien. C'est pour ça que j'en parle comme jamais d'habitude. Mais quand même... Ensuite, y a-t-il une sous-culture qui est convaincue que les gens passent d'une réalité à l'autre? Les gens changent des réalités alternatives, si on veut. C'est comme ça qu'ils expliquent pourquoi ils se souviennent de choses qui n'ont pas eu lieu. Ce serait eux dans cette sous-culture-là parce que les gens changent de réalité une fois de temps en temps, comme des univers parallèles, mais des réalités alternatives. Ensuite, il y a des publics semi-transparents. Des toilettes publiques semi-transparentes. C'est impossible de voir dans la toilette publique, mais c'est possible de voir à l'extérieur quand t'es à l'intérieur. Donc, c'est des genres de cubicules, des porta-potties si on veut. Et on peut voir à l'extérieur les gens passer devant soi, mais les gens, eux, ne voient qu'un miroir. C'est un miroir. Il y a un nom pour ces miroirs-là? Double sens, bref. Ça a l'air cool. Et un dernier, tiens. Quelques derniers, je veux pas finir avec cela. Un artiste de graffiti nommé Paco Rozic a acheté un entrepôt abandonné dans l'Iowa et a recréé en demi-portion, demi-grandeur, le plafond de la chapelle Sistine de Michel-Ange. Donc il a reproduit tout ça à l'échelle de 50%. C'est vraiment beau, aller voir sur assemblagerequis.com. En 2006, un homme, garçon nommé Chris Putnam a hacké Facebook et a changé plusieurs milliers de profils pour ressembler à des profils de MySpace. Hein? Et ensuite, Facebook l'a engagé pour travailler pour eux. MySpace, s'il y a quelque chose que tu veux pas, dont tu veux pas que ton site ait l'air, c'est bien MySpace. En tout cas, à l'époque. Peut-être aujourd'hui, mais encore là. Hey, tu sais, MySpace, il y avait eu l'excellente idée. Quand Justin Timberlake avait racheté MySpace, on se rappelle de ça il y a quelques années, il me semble que c'était à ce moment-là que le logo a changé pour devenir My et puis un espace, littéralement le symbole d'une barre espace sur un clavier. Donc c'était My Espace, t'sais. Et là, je suis retourné sur MySpace récemment, puis quand ils sont revenus avec un logo avec le mot Space. Je trouve ça tellement pas original. Ils sont revenus, c'est comme c'était avant, c'est comme MySpace avec des petits bonhommes, comme l'ancien logo. Je trouvais ça tellement original et cool d'avoir une barre espace comme logo. Mais bon, il y a ce moment qui décide, hein, puis ça marche pas plus, fait que c'est pas comme si c'était le logo la faute là-dedans. Allez, voilà pour cet un fait, les liens sur assemblagerequis.com. Nous, on termine Assemblage Requis pour aujourd'hui là-dessus. Oh non! Nous serons de retour demain entre 6h30 et 9h30, toujours en direct à partir de 7h30. Demain, on sera mardi. Et les mardis à l'émission, quand il y a tellement de choses. Tellement de choses. Mon calendrier marche plus. Qu'est-ce que c'est ça? Mon calendrier, mon beau calendrier. Sébastien Vigartin du Zone Campus pour son éditorial. Ensuite, Gabriel Béhoud de La Luitre. Et finalement, Myriam Lortie, rédactrice en chef du journal Zone Campus. Restez à l'écoute à 11h, c'est Dîner de con avec Danny Janvier. Ensuite, Escale à l'émission de voyage. Ensuite, à 17h, c'est Radar Jeunesse. 18h, Palmarès du Monde. 19h, Le Voyage Insolite. Et 20h, Rock de Neurones. Sif.ca pour la programmation complète. AssemblageRequis.com pour les notes de l'émission et les balado-diffusions. C'était Mathieu Plante. Stéphanie Paradis va être de retour demain à l'émission, donc soyez-y, s'il vous plaît. On se quitte sur un extrait de Brave Shores sur le palmarès anglophone. J'adore cette pièce. Voici World Beneath the Sea. On se dit à demain. Bye.